Paul, Adon, l'agitateur de la bande FM. C'est fort, très fort. Dans la mona, Iba, Ibili, Kwana, Ti bip de allo, elle est bip de allo. Nous bipons allo, vous bipez allo. Allez téléphoner, téléphoner, téléphoner, téléphoner. Yeah. Angèle et Annie-Laure, les plus zolies, zolies. C'est fort. Demoiselle de Saint-Étienne. Toujours Nicolo, attaquant des pointes et bas, chasseur premier number one. Ah, c'est fort, la révélation du siècle. Toléka, Toléka, Toléka. Chipalo, arrête de chipper. Chipalé, arrête de chipper. Chipalo, arrête de chipper. Chipalé, arrête de chipper. Chipalo, arrête de chipper. Chipalé, arrête de chipper. Oh, mais ah. Chipalo, arrête de chipper. Chipalé, arrête de chipper. Chipalo, arrête de chipper. Chipalo, arrête de chipper. Atata mona, atata mona, atata mona, atata mona, atata mona, atata mona, atata mona, atata mona. Toléka, toléka. Toléka Nango, Arsenal et Perco d'Avion. Maxou, le producteur. Yeah, yeah, yeah, yeah. Camer Connexion, la référence. Despro, Despro. La révélation du siècle. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Restaurant Makoussa, chez Mère Esther, à Villeneuve-Saint-Georges. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. DJ, Moby, le dernier des samouraïs de la musique afro. Est-ce qu'il y a une main? Est-ce qu'il y a une main? Est-ce qu'il y a une main? Lionel, LKG, plus qu'une référence. Je me suis venu au sujet de toi. Est-ce qu'il y a une main? Je me suis venu au sujet de toi. Si tu me dis que je peux faire ce que je peux faire, je vais le faire. Je me suis venu au sujet de toi. Si tu dis de faire ce que je peux faire, je peux le faire. Moussa, très très fort, Moussa de Sonima Music. Nyangé, nyangé, nyangé, nyangé, bisous. Nyangé, nyangé, nyangé, nyangé, bisous. Nyangé, nyangé, nyangé, nyangé, bisous. Nyangé, nyangé, nyangé, nyangé, bisous. Les amis qui t'ont commandé à danser. Position de tir, position de tir. Toléka, ah! Caméra, caméra, caméra, caméra, caméra, caméra, caméra, caméra, caméra, caméra, caméra, caméra, caméra, caméra, caméra, caméra, caméra. La tremblote, la tremblote, la tremblote, la tremblote, la nyengue, la nyengue, la maxi, la maxi, la tremblote, la tremblote, la tremblote, la tremblote, la bougeole, bougeole, toi, toi là, nyengue, nyengue, nyengue, nyengue, bisou, nyengue, nyengue, nyengue, nyengue, bisou, elle de l'homme, elle de oiseau, elle de poulet, elle de mouton, elle de cabri. Elle est chien, elle est lion, elle est pigeon, elle est pigeon, elle est pigeon, elle est pigeon, elle est pigeon. Toléka, Toléka Nango. Olivier Chimanga. C'est fort. La guitare d'Afrique. Assis dans les maquis en train de critiquer. Que c'est lui qui a fait que celui-ci est devenu si aigri. Va là-bas, hippo, hippo, hypocrite, va là-bas. Hippo, hippo, hippo, hippo, hippo, hippo, hein, hippocrite, va là-bas. Hippo, popo, hippo, popo, hypocrite, allez, dégage là-bas. Hippo, popo, hypocrite, allez, va là-bas. Va là-bas, jaloux, allez, sors de ce port. La jalousie, mangez là-bas, allez, on y va. Attends, c'est seulement, attraper ton rein pour mouler, yé, mougoulo. Ma, attraper seulement, attraper tes reins pour danser, yé, mougoulo. Ma, attends, c'est seulement, attraper ta tête pour tourner, yé, mougoulo. Ma, attends, c'est seulement, allez, où là? C'est pas parce que l'ours y perd qu'on doit le déclarer mort. DJ Koba toujours Nicolo. On y va, allez, allez, allez, dis toi la gola, dis quoi, dis de l'homme. Fire, fire, le feu c'est le feu, le feu c'est le feu. Fire, fire, c'est le comportement dans le travaillement. Fire, fire, le feu c'est le feu, le feu c'est le feu. De l'état, c'est bon, mais l'homme doit bien se chercher, hein. Allez, toqué, toqué, toqué, chercher. Yeah, yeah, yeah, yeah. que l'argent à Paris fait maigrir les gens. Ça donne même les cheveux blancs. Mais mon ami, respecte-toi parce que c'est très très important. DJ Koba, toujours Nicolo, Marc Lenoir, affaire de faille à mon cou. On est où là? Hey, allez, toquez, toquez, toquez, hein. Attrapez bongo, attrapez, attrapez, attrapez, hein. Kamsou, ultra fort, performant, technicien. La coquille n'a jamais trompé son mari, n'a qu'à lever sa main. Allez, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Menteuse, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Ah, c'est bon. Le gars qui n'a jamais trompé sa femme, n'a qu'à lever sa main. Est-ce que c'est vrai? Oui, hein. Allez, fire, fire, fire, ah. Mungueza, mungueza, mungueza, mungueza. Fire, fire, hein. Yeah, mungule, yeah, mungule. Fire, fire, attrapez, attrapez, attrapez, attrapez. Allez, hein. Avec un terrain, fire, fire. Fais tourner, fais tourner, fais tourner, fais tourner. Allez, ambiance, ambiance, ambiance, ambiance. Hey, t'es là. Guizo, Guizo, Guizo, Guizo. Hey, t'es où là? Et je suis là mon ami. N'aie pas peur, on ne passe pas par Paris sans voir la tour Eiffel. Sinon tu n'as pas vu le bang. Allez mon ami, nouveau style. Je suis le résidu de Chamal, toujours. Allez faya mon couli. Faya, allez faya mon couli. Ma chérie est devenue impolie. Elle porte les moulants, moulants. Ma chérie est devenue impolie. Elle porte les pantalons, toujours. Allez descend, allez descend, allez descend. C'est la danse, allez descend. Descend, descend. À Paris on dit mon fils est faya. Ah ah ah. Faya, faya, allez faya mon couli, faya mon couli. Allez chérie ton numéro, tu peux me le passer. Allez chérie ton numéro, passe dans ce soir. Allez faya, allez faya, allez faya, faya. Allez faya mon couli, faya mon couli, faya mon couli. Mon ami, dans la vie c'est pas tout ce qu'on ramasse qu'on a perdu. Je suis champion le résidu de Chamal. Allez toujours, toujours, bisous pour toi ma chérie. Allez, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Y'a la grippe à vient, donc elle, elle est couli. Y'a la grippe à bien, donc elle des pigeons. Y'a la grippe à bien, la danse du mec c'est. Allez, tous les gars, tous les. Allez serrer, allez serrer, allez serrer. Ma chérie, ton numéro c'est quoi? Ma chérie, ton numéro c'est quoi? Regarde le garçon à côté, il a les papiers. Ah ah, j'ai pas dit papier d'identité, hein, parce qu'il y a pas de nationalité dedans. C'est les petits papiers où il y a marqué 5, 0, 0, ça fait 500 euros. Hey, 500 euros, est-ce que tu peux 500 euros? La différence, ah ah ah ah. Donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Allez, prenez le billet, tapez le DJ. Ah, prenez le billet, tapez le DJ. Toi, ah, prenez le billet. Allez, tapez, tapez, allez, tapez. Tapez, allez, tapez, tapez dedans, tapez dedans, tapez dedans. Ah, ah, ah, ah. On dit que j'aime les femmes des autres, mais si les femmes aiment les maris des autres, c'est pas de ma faute. Je suis Lorenzi de Chamal, c'est lui-même, toujours. Allez, Koba, Koba, Koba, Koba, Koba, Koba, Koba. Aïe, aïe, aïe. Ouais, j'ai compris l'histoire, parce qu'au début le comportement était sorti dans Paris. On était dans notre coin mais on parlait pas beaucoup. Voilà, Faya Moukouli, je suis l'actionnaire. Je suis moi-même l'actionnaire du Faya. Allez, Faya, Faya, l'audi babango, bango, bango. L'audi babango, bango, bango, l'audi babango. Hey chérie, abango, abango, biso babiso. Oza babango, babango, wango, wango, bango, babango. Ndeli, to les gars, to les gars, to les gars, to les gars. Je disais ma chérie, elle veut plus de moi, oh. Je disais ma chérie, elle veut plus de moi. Elle sur les bourgeois, elle sur le boucantier. Mais quand t'es bourgeois, on te connaît, on te connaît, on te connaît. Quand t'es comporté, on te connaît, on te connaît, on te connaît. Ma chérie, elle est devenue impolie. Ma chérie, elle veut plus de moi. Elle danse avec son devant, devant, elle est devant, devant. Allez, elle des pigeons. Y'a la grippe à dire, allez, hé, aide des pigeons. Y'a la grippe à dire, mon ami, ça se danse avec les reins, c'est comme ça. Allez, tout le monde, allez, faya, faya, faya, faya mon couli, faya, faya, faya, allez, faya mon couli, faya mon couli, faya mon couli. J'espère que tu as aimé, mon ami, c'est ça, c'est la danse du faya mon couli. Moi-même, Richard Soudana, la voix. Les voix incontournables. 06 33 06 1937. Le téléphone de Soudana Richard. Sissi de l'île Mangi vous a présenté l'album Africa Wanted Volume 4. Clara, Sissi de l'île Mangi ne t'oubliera jamais.